Exercice 7, page 108. Virelangue. Il vient à Vienne, elles viennent à Vin. Il vient à Vienne, elles viennent à Vin. Il vient à Vienne, elles viennent à Vin.